Yankila. Ouais. Oh, c'est ta conscience qui te parle. Ouais, si tu veux, toi. Hé! Non, mais attends. Quoi? Tes conneries de rap, tout ça, mais ça te mène à quoi ça, mes conneries de rap? Tu sors jamais à ta famille, que... Mais si un jour, va falloir que tu prennes tes responsabilités. Mais putain, je suis un hip-hop, tout ça, c'est qu'un jeu, en fait. Je suis un hip-hop fighter, je fais de la mort un jeu, une vie pleine d'hémorragie. Combattant malgré mon âge, j'agis. Agilement que les foules s'agitent, et peu importe. Combattant jusqu'à ma perte, l'art est magique, je suis prêt à donner ma vie. Paraît que je joue avec le feu du pain, paraît que ma parole me l'aurait ravi. Du hip-hop, je relevais le défi, yo, je défonce tout, même si je resserre les taux. J'ai tout pété, que t'es plus rien à dire, j'sais que j'ai la haine en béton. Déclarage, moi j'y adhère, faut qu'on m'appâte et presse la détente. Pour que j'arrête, tiens, suce-moi, j'arrêterai pas moi, quitte à me noyer dans les temps et j'pose. Dis qu'on mic jusqu'à ce que les yeux se baissent, le genre qui lâche pas l'affaire, j'écris. Trouve l'inspiration en enfer parmi les débris, les petites cailles que l'état génère, mon nom à moi c'est la hyène. Natural, ça fait des années que tu me dis que tu vas y arriver. Va chercher un vrai travail. Comment ça, mais comment où vas-tu aller? Jusqu'au bout. Et tu feras mourir mon sang. Tu parais, je serai la mort. Peu importe les étapes, j'ai la dalle d'alligator. Ceux qui sont avec moi sont tout à fait d'accord. À part la familia qui se lamente sur mon sort et disent que j'y sors. De ce point de vue, je n'ai plus le choix, il faut y arriver. C'est pas après ces années que mes bras vont se baisser. À coup de tchac, de kick, de crack, comme un chabac. Tel un samouraï, je découpe les rythmes qui m'aboient les tailles. Certains me disent arrête-toi là, j'irai jusqu'au bout. Comment vas-tu percer dans le ragage? J'irai jusqu'au bout. Des tranches de la rite écrite, des textes sur différents sujets concernant. Me le reste pas maintenant dans mon intérêt, je sais. La corde est longue et il ne faut pas la lâcher. Commence à sortir ma nuque en souvent la l'arracher. De toute façon, il n'y a pas trop de solution. C'est l'amour qui m'est the end, the end, the end. Jusqu'à la mort. Hip hop fighter, ah, je suis fou et fatigué de fil. Hip hop fighter, on s'en bat, on s'en fout. Mais ton part ton string, on a le rap qui rend fou. Hip hop fighter, combattant jusqu'à la mort. Hip hop fighter, ah, je suis fou et fatigué de fil. Hip hop fighter, on s'en bat, on s'en fout. Mais ton part ton string, on a le rap qui rend fou. Hip hop fighter, combattant jusqu'à la mort. Hip hop fighter, ah, je suis fou et fatigué de fil. Hip hop fighter, on s'en bat, on s'en fout. Mais ton part ton string, on a le rap qui rend fou. Jusqu'à la mort. Hip-hop fighter, ouais, je suis fou et fatigué.